Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 au cadran et sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver sur la route des expérimentations musicales et sonores. J'ai réuni ce soir des créations sonores dont le dénominateur commun serait du côté de l'étrangeté. Une étrangeté non pas répulsive ou encombrante, mais plutôt à l'enseigne de la séduction. Je reprends les mots de Sébastien Clich, dont je vous présente le projet ce soir. Je reprends ces mots qui me semblent bien illustrer l'idée qui réunit les créations qu'on va entendre ce soir, des créations dont le flux sonore et musical ouvre un territoire singulier où l'intime, le banal et l'étrange se rejoignent comme on pourrait les retrouver dans un bazar, un marché de brocantes ou encore d'objets hétéroclites. Je referme les guillemets, c'est Sébastien Clich qui raconte ça. Alors, outre les travaux récents de Sébastien, qu'on va écouter en seconde demi d'émission, je vous invite à l'écoute d'un beau projet réalisé par le Québécois Olivier Giroir, un projet réalisé il y a une dizaine d'années, autour d'un projet chorégraphique inspiré par l'œuvre poétique de Marie Huguet, un projet sonore d'une belle valeur. Mais d'abord, pour lancer l'émission, je vous présente l'extrait d'un projet récent de l'artiste sonore d'origine italienne, Andrea Penso, un créateur et animateur, entre autres, du collectif label Canti Magnetici. Le projet sonore de Penso est un projet de nature atmosphérique, je vais dire ça comme ça, imaginé à partir de boucles sonores et de manipulations de bandes magnétiques, tout ça inspiré, dit-il, par l'idée du retour en avant, en arrière. J'ouvre les guillemets, il dit « Ce que j'aime, ce sont les répétitions, les prolongations, avancer lentement sur mon chemin, revenir à la même chose, être une litanie comme la vie, m'y attarder avant de finir, ne voulant pas faire la musique d'un seul homme et surtout pas d'un compositeur, mais plutôt la musique d'un moineau indécis, perché sur une branche, un moineau qui essaierait d'appeler un homme. » Je referme les guillemets, il cite ou paraphrase le philosophe écrivain Henri Michaux. Je vous propose donc l'écoute de la partie 1 de ce projet intitulé « O ou Homo », une composition inspirée d'un fragment de Der Spenfer, traduit par la danse du piétinement. C'est une œuvre de Béla Bartók, c'est tiré des danses folkloriques roumaines. Et je vous fais donc entendre un extrait de cette danse sur place de Bartók et ce sera suivi d'un extrait de cette œuvre d'André Penso qui s'intitule « O ou Homo ». Alors, on écoute Bartók d'abord. Thank you. Vous écoutez La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL. On vient d'entendre un projet de l'Italien Andrea Penso, inspiré d'un fragment de danse folklorique roumaine, composition de Béla Bartok. Et maintenant, je vous propose un retour sur un projet de création réalisé en 2009. Ça fait un petit bout tout de même. Réalisé par le musicien artiste sonore Olivier Giroir, projet inspiré cette fois par la poétesse québécoise Marie Huguet de Regretter Mémoire. Alors le projet date, mais vous allez voir, très très actuel, très pertinent. C'est un projet qui s'intitule La nuit nous déconstruit par cœur, un premier album à l'époque et qui regroupe des œuvres composées de pièces écrites pour un spectacle de la chorégraphe Kate Hilliard, un spectacle intitulé Beside Me. Bon, inspiré, dit-on, par la peur de l'absence et de la solitude évoquée par les textes de Marie Huguet, Olivier Giroir en imagine des collages sonores d'une belle finesse, une parfaite maîtrise du tempo et de ses variations assorties de souffle et de nappes sonores inquiétantes à la fois sombres et futuristes. Je referme les guillemets, ça c'est le commentaire d'un commentateur. Alors, bien que les thèmes originaux ne soient pas très heureux, raconte un critique, on rendra à Olivier Giroir sa capacité de transcender cette tristesse vivifiante au cœur de ses productions. C'est tout à fait juste comme réflexion, comme commentaire. Alors, on en écoute quelques extraits de ce projet intitulé « La nuit nous déconstruit par cœur », projet d'Olivier Giroir. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission en compagnie du compositeur, musicien, artiste sonore Olivier Girois. Restez les nôtres, on poursuit ça en seconde demi avec Sébastien Clich, un projet intitulé « La saison des brocantes ». Alors voilà, on se rend à la pause, toujours sur des créations d'Olivier Girois, ce beau projet intitulé « La nuit nous déconstruit par cœur ». Vous écoutez La Croche Oreille. Vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1, Gaëtan Gosselin, avec vous jusqu'à 22h. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant. Vous trouverez ça facilement sur la toile. je reprenais en début d'émission un bout de texte de Sébastien Clich qui me semblait illustrer assez bien la trajectoire sonore de la soirée, une soirée teintée d'insolite, d'étrangeté, bon, une étrangeté non pas rebutante, mais plutôt à l'enseigne d'un certain charme, flux sonore et musical, dit-il, Sébastien Clich, qui ouvre sur un territoire où l'intime, le banal et l'insolite se rejoignent comme on pourrait les retrouver dans une brocante. Je referme les guillemets. L'image est très belle et me sert d'introduction à ce récent projet de création de Sébastien Clich intitulé « Saison des brocantes », un bazar sonore, ni plus ni moins, peuplé d'objets hétéroclites élaborés, raconte Sébastien comme un collage. On y retrouve des improvisations, des accumulations de sons bruts et de voix, enregistrements de terrain, messages téléphoniques glanés. Ici et là, les matériaux se superposent, se frottent, se transforment, tout ça comme une invite à parcourir un marché opus, évidemment, un marché opus intime, à la recherche de trouvailles imprévues et de résonances affectives. Alors, on va en écouter quelques extraits ce soir. Sébastien Clich, je le rappelle, est un artiste pluridisciplinaire montréalais qui développe parallèlement à sa pratique en art visuel, un parcours en art sonore et en musique expérimentale. Franchement, c'est réussi. Alors, on écoute « Saison des brocantes », des extraits de Sébastien Clich. out. Give me a call if you get a chance. I am home. Bye. m'endormais pas un matin, là. J'ai eu une nuit tout croche, puis j'ai mal à la tête un matin, là. Fait que j'ai décidé de prendre un break un peu. Fait que tu vas me revoir demain matin. Puis tu vas avertir les autres, là. Veille ça, Daniel, Pierre, hein, tout ce monde-là. Là. Salut. Bye bye, à demain. From the National Film Board. I got your number from Catherine, who works here. I'm working on a film in Studio B, and I'm looking for a... Eh bien voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des artistes Andrea Penso et son album intitulé O Uomo, paru sur étiquette Canti Magnetici, Olivier Giroir pour son projet La nuit nous déconstruit par cœur et Sébastien Clich pour sa saison des brocantes, paru sur l'étiquette Aqua Planage. Grand merci aux artistes et collaborateurs, collaboratrices de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. On termine la soirée en compagnie du compositeur, musicien et artiste sonore Olivier Giroir, dont le projet intitulé La nuit nous déconstruit par cœur est vraiment magnifique. Alors voilà, depuis les studios de CKRL dans le quartier Limoilou à Québec, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. Thank you.